l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis accompagnée d'Isabelle et de Charlotte. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Eh ben, moi c'est Isabelle, créatrice de l'entreprise Bulle et Pierre. Moi c'est Charlotte, je suis sa fille et je l'accompagne. Et c'est quoi Bulle et Pierre? Alors Bulle et Pierre, c'est un e-commerce qui vend du savon artisanal. C'est la grosse partie de la boutique. Après, on vend aussi des bijoux en pierre naturelle de lithothérapie. On fait aussi pas mal de bijoux, de porte-clés, de petits objets comme ça. Bah, la main, du coup, on fait des cartes de vœux, on est très, très large, selon l'imagination du moment. C'est quoi la lithothérapie? Oui, la lithothérapie, c'est la médecine, c'est pas le mot, mais c'est le soin par les pierres. Pourquoi ce nom, Bulle et Pierre? Alors, Bulle pour le savon et Pierre, ben, pour justement le côté de la lithothérapie, quoi, voilà, c'est... Voilà, puis on trouvait que ça sonnait bien, que c'était mignon. Donc ça nous correspond. Voilà. Oui, c'est... C'est original, moi j'aime beaucoup. Voilà. Depuis quand est-ce qu'elle existe, Bulle et Pierre? Alors, Bulle et Pierre existe depuis 2019. Après, on ne s'était pas donné à fond dessus, hein, c'était juste de la vente comme ça. Là, depuis 2021-2022, on est à fond. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre enseigne? Parce que c'est pas facile de se lancer. Non, c'est pas facile. J'ai créé parce que au départ j'étais toute seule. J'ai créé cette entreprise parce que je suis tombée malade, j'ai perdu mon emploi et je ne sais pas rester sans rien faire. Donc j'ai dit allez hop, on se lance, c'est le moment. Et voilà, on s'est lancé et Charlotte est venue me rejoindre courant 2022. À peu près, oui. Et comment est-ce que vous l'avez créé, votre entreprise? Moi, je suis allée sur Internet et j'ai créé en ligne, hein, sur Internet, mon e-commerce. Après, moi, j'étais déjà reliée à la chambre des métiers parce qu'à la base, je suis couturière. Donc, voilà, j'avais fait la formation pour être entrepreneur. Ça, j'avais déjà fait en tant que couturière. Donc, j'avais déjà ça. Et puis, voilà, c'était vraiment le bon moment pour se lancer. Et oser passer le pas. Et Charlotte, depuis quand est-ce que tu travailles avec ta maman? Ça fait un an, je dirais. Mm. Parce qu'au début, je l'aidais juste comme ça. Mais finalement, à force de l'aider, ça me plaisait de plus en plus. Et du coup, je lui ai proposé de la rejoindre et ça s'est fait comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais surtout tout ce qui est porte-clés fait main. Et bah, je l'aide de temps en temps s'il y a des commandes ou à trouver de nouvelles idées. Est-ce que vous pouvez nous parler toutes les deux de votre profession? Qu'est-ce que vous faites avec Bulle et Pierre? Alors moi, je suis surtout dans la partie papier, le plus désagréable. Mais enfin, voilà, les papiers. Après, il faut quand même que je fasse de mes mains. Donc généralement, le matin, c'est pour les papiers. Répondre aux mails, faire les commandes, tout ça. Et l'après-midi, c'est création. On se nourrit de ça parce que, enfin, pour moi, hein, déjà, moi, je suis... S'il y a un jour où je crée pas, ça va pas, en fait. Et moi, je suis plus dans la partie création. Et c'est quoi qui vous inspire toutes les deux? Mes humeurs. Beaucoup. Et ouais, surtout les humeurs et mon entourage, on va dire, ce qui m'entoure. C'est quoi qui vous plaît le plus dans votre profession, à toutes les deux? Créer. Créer, réfléchir, enfin, penser à ce qu'on va faire, comment les gens peuvent le ressentir aussi, c'est important parce que ouais, quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour nous, c'est un peu comme un accouchement, enfin, on l'a en nous et faut le sortir et comment les gens vont le percevoir, ce qu'ils vont aimer, on réfléchit beaucoup en amont de la création. Mais pour que ça plaise aux autres, faut déjà que ça vous plaise à vous aussi. Oui. Parce que si vous faites quelque chose que vous aimez pas, ça marche pas. Puis ça sort pas, on n'y arrive pas de toute façon. c'est pour ça qu'on travaille pas sur commande, parce que si le sujet nous plaît pas, on n'arrivera pas à faire quelque chose de beau. Donc c'est vraiment quand ça vient, on se dit tiens, ça aujourd'hui c'est ça, hop, et puis voilà. On prépare plein, on a plein de cahiers hein, où on quand on a des idées, on dessine et tout dedans, mais c'est pas forcément fait dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois. Des fois on y revient, c'est de l'année d'avant, mais c'est à l'instant. D'accord. À l'instant et à l'instinct. C'est quoi la tranche d'âge de votre clientèle à peu près ? Alors ça va de, je vais dire de 10 ans, parce que les petits, les porte-clés, ouais. De 10 ans à, on va dire comme dans les jeux, à 99 ans, hein, parce que c'est très, très, très large. C'est quoi selon vous le meilleur moyen de se faire connaître, les réseaux sociaux ou le bouche à oreille ? Moi au départ ça a été le bouche à oreille. Et puis après, je me suis lancée. Les réseaux sociaux me faisaient peur et je me suis lancée quand même et ça marche plutôt bien. Là, on est sur Facebook et sur Insta, mais Facebook, ça marche mieux qu'Insta. Mieux qu'Insta, oui. C'est sur Facebook d'ailleurs que je vous ai découverte via un groupe. Comment est-ce que vous êtes parvenue à avoir un réseau de contacts ? Ben, c'est le bouche à oreille de Facebook, on va dire. C'est le partage du partage. L'ami qui partage, l'ami qui repartage et qui repartage. C'est comme ça, quoi, de fil en aiguille. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos créations. À tout de suite sur Radio Gamozo. Yeah. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Isabelle et Charlotte. Vous venez d'écouter BTS avec leur titre DNA. Je me demande qui a choisi ce titre. Je pense que c'est Charlotte. C'est bien moi, oui. C'est un groupe coréen, c'est ça ? C'est ça. Ils ont un grand succès en ce moment. Oui, ils se sont fait beaucoup connaître et ils ont bien évolué. D'accord. Du coup, on va revenir sur Bulles et Pierres. Qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle ? Alors, beaucoup de choses. Donc, les savons artisanaux. On a les pierres. Donc, les pierres, on a des pendentifs, on a des bijoux, on a les bracelets de vie. Alors, c'est moi qui calcule avec la numérologie. Donc, on me donne le nom, la date de naissance, les prénoms, etc. Et c'est moi qui calcule avec la numérologie et qui fait les bracelets en fonction de ce qui ressort comme pierre. Après, on a le thé. Après le thé, franchement, on n'en vend pas beaucoup. Non. Donc, on va certainement le retirer de la vente. Et après, il y a tout ce qu'on fait à la main. Alors là, il y a beaucoup de choses parce qu'on... Ça s'élargit des bracelets bah, Miyuki qui sont faits à la main ou ça va des porte-clés en perlama qui sont souvent par rapport à la culture pop ou le gaming. On a les bijoux de téléphone aussi, cartes 3D... Là, on va bientôt lancer de la sublimation, donc les tasses décorées, les t-shirts, les sacs. Donc ça, c'est en cours d'installation, on va dire. Il y a de la broderie machine. Enfin, voilà, tout ça, c'est encore pas sur le site parce que c'est encore pas lancé, mais ça va venir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'atelier ? Alors, l'atelier, c'est l'ancienne chambre de Charlotte. Et donc, on y est toutes les deux, entourées de nos machines, de tous nos... C'est pas très grand, hein, ça fait 12 mètres carrés, je crois. Donc, voilà, on y est bien. C'est notre petit cocon, c'est le rose pailleté au mur. Et voilà, c'est une pièce où on se sent vraiment bien. Et c'est quoi comme machine que vous utilisez ? Alors, donc on a la brodeuse industrielle. Là, dernièrement, on a rentré la presse à mug, pour faire les mugs décorés. On a la machine qui découpe toute seule, qui fait plein de choses, en fait, qui grave, elle est multifonction. Donc, on a cette machine-là. Et après, on a nos petites mains. Vous proposez des savons à votre clientèle. Vous proposez quoi comme parfum, ceux qui ont le plus de succès auprès de la clientèle ? Alors, on a le gros succès, c'est l'aloe vera. Après, on a celui au lait d'anesse, huile d'olive et lait d'anesse, le lait de chèvre. On a le shampoing thym et menthe poivrée qui marche super bien. Pareil pour les problèmes de pellicule et tout ça, c'est super. Et puis après, tous les parfums, je vais dire, d'été, noix de coco, les agrumes, tout ça, ça marche bien aussi. Et comment est-ce que vous faites des bijoux ? Les bracelets en perles Miyuki. Donc la perle Miyuki, c'est une perle... au départ, c'est un cylindre qui est coupé au laser. Donc toutes les perles sont à la bonne taille. Il n'y a pas de défauts comme dans les perles de rocaille. Elles sont pleines de défauts. Mais la Miyuki est très régulière. Donc moi, je dessine avant. Je dessine mon motif et après je le tisse sur un métier à tisser, les perles. Après, il y a le tissage Kumimo. Donc ça, c'est un tissage de la Chine ancienne. Donc ça, c'est avec des fils. Donc voilà, c'est pareil, on peut réussir à faire des motifs aussi, à faire apparaître des fraises, selon comme on met le fil, ça... On peut faire apparaître des motifs. Après, les perles à main, c'est plus toi, ça. C'est plus... Après, c'est pas des bijoux, c'est les porte-clés. Oui. Généralement, je dessine et puis seulement après, je fais. Les autres bijoux, pour le coup, c'est l'inverse de maman. Je fais et seulement après, je dessine. Ouais. Pour s'en rappeler. Pour s'en rappeler. Et si des fois, ça va pas, est-ce que vous recommencez tout ou est-ce que vous jetez ? Non, je jette pas. Non, on jamais. On recommence. Ah non, oui, on recommence. Non, je jette pas. Même les pierres de lithothérapie, il faut savoir que quand votre bracelet casse, il faut pas jeter les pierres, faut les rendre à la terre, soit les enterrer ou voilà, faut rien jeter. Justement, c'est quoi des pierres naturelles ? Parce qu'il y en a beaucoup, l'améthyste, je crois, etc. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a l'améthyste, la cornaline, la citrine. On peut en citer beaucoup. Après, c'est des pierres dites de soin, donc qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Bah, je sais que, par exemple, chaque couleur ou chaque pierre a des vertus sur la santé. Il y en a, c'est le stress. Oui, alors moi, je travaille pas trop avec les couleurs des pierres, mais plutôt avec leurs bienfaits. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des bracelets de vie, donc en numérologie, on travaille avec le bienfait de la pierre, ce qui peut vous apporter dans votre vie. Que le bracelet de vie, c'est le passé, le présent, le futur, hein, il contient tout ça, et on travaille avec les bienfaits de la pierre, pas D'accord. la couleur. Est-ce que vous en avez déjà fait pour vous ? Oui. Nous, toute la famille en a, tout. Et j'ai beaucoup, de plus en plus de commandes. C'est parce qu'il est très personnalisé. Donc, voilà. J'ai même des clients qui ont cassé le leur et qui m'ont fait refaire un nouveau. Donc, Et je suppose qu'il faut être assez méticuleux pour refaire tout ça, parce que ça doit être assez fin. Comme oui, fil. Oui. Enfin, moi, je suis hyper perfectionniste, donc rien ne passe. Si ça ne me plaît pas, si le moindre défaut, je recommence. Et quels matériaux vous utilisez pour toutes vos créations ? Donc on a les perles à main, donc ça c'est des perles en plastique qui, une fois assemblées, on les chauffe au fer et elles s'assemblent entre elles. Ce qui permet, là on est très large sur les motifs et tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut en fait avec ça. On a les perles acryliques, les perles de rocaille, les perles Miyuki et on travaille aussi avec c'est les perles Aishi. Et on travaille aussi avec du plastique dingue. Plastique fou, enfin c'est le plastique qui rétrécit quand on le chauffe. Avec ça, on fait, bah pareil, on imprime les motifs qu'on veut et on fait des petites breloques. Et vous les trouvez où, les pierres naturelles ? Alors moi, je les achète chez un grossiste dans le Doubs. Voilà, je travaille avec elles, on s'entend bien, voilà, moi je les trouve dans le Doubs. Est-ce que vous proposez des produits pour tous les publics, les hommes, les femmes et les enfants ? Oui. Oui, on est assez large, on réfléchit large. Après on est une grande famille donc on a l'habitude de voir large. Et ouais, vraiment pour tout le monde, même les jeunes, les plus âgés, on essaye de cibler tout le monde, ouais. Et pour les hommes, c'est quel produit qui a le plus de succès par exemple ? On va avoir le savon de rasage qui marche super bien et ça ils aiment bien. Et après les bijoux, hein, les bracelets ciblés hommes quoi, ça, et les bijoux en pierre naturelle aussi. Et pour les enfants, c'est tout ce qui est porte-clés. Ouais, les petites babioles entre guillemets quoi, les. Alors le tissage Miyuki, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Alors le tissage Miyuki, donc c'est les perles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je monte mes fils sur mon métier à tisser et on fait un rang de perles et on tisse tout simplement. On tisse les perles comme ça. Comme de la broderie. Oui, c'est un peu comme de la broderie, oui. Ah, c'est du fil et des perles, voilà. Il faut un peu de la dextérité et surtout avoir de la patience pour faire ça. Oui, c'est assez long. Ben, pour un bracelet, je mets 2-3 heures quand même, hein, à peu près. Ouais, ça dépend. Bah, ça dépend la taille du bracelet, oui, parce que... Alors, il faut savoir que j'en fais à 3 fils, mais j'en fais aussi à 20 fils, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus large et... C'est surtout les bracelets hommes qui sont très larges. Voilà, mais oui, en moyenne, je mets 3 heures pour un bracelet Miyuki. Et ça doit être plus difficile de manipuler 20 fils que 3, ou c'est pareil ? Pour moi, c'est pareil, ça change pas. On va plus vite à 3 fils, forcément, mais non. Une fois qu'on a le coup de main, c'est lancé. C'est quoi le tressage Kumihimo ? Alors, le tressage Kumihimo, ben, c'est un cercle. Un cercle... Alors, à l'origine, il était en bois. Moi, c'est un cercle en mousse. La façon dont on met les fils nous apparaît un motif en tressant. En fait, on ramène les fils, on les rame. C'est un peu comme le tressage brésilien, sauf que c'est en rond. Sur un métier, voilà. Voilà. Et il n'y a pas de nœud. Et il n'y a pas de nœud. C'est vraiment du tressage. Ça fait, au final, ça ressemble à une corde qui, ouais, à une petite corde. Et c'est pas très fragile comme produit ? Non, du tout. Non, non, c'est super solide justement. C'est parce que là, on travaille sur minimum 6 fils. Donc 6 fils, les fils qu'on appelle queue de rat, donc qui sont déjà du 2 mm à peu près. Donc non, non, c'est très solide. Et pour les bracelets de vie, le fil, il est assez fin, non ? Pour enfiler les pierres, etc. C'est pas le plus fin. Le plus fin, c'est le Miyuki. Lui, il est très très fin. Non, le bracelet de vie, on prend du fil élastique qui est conçu exprès pour les pierres que j'achète chez ma vendeuse de pierres aussi. Et oui, c'est un fil élastique qui s'étend bien et qui est fait de plusieurs fils. Comme ça, s'il y a un fil qui lâche, le bracelet ne casse pas tout de suite. Et si le fil est plus gros ou plus fin, c'est lequel qui est le plus fragile, par exemple? Je pense que ce serait les Miyuki qui seraient le plus fragile. Après, on a plus de fils, donc... On a plus de fils, mais il y en a un qui casse, il y a tout qui part après. Oui, oui. Si ça casse, toutes les perles s'en vont. C'est quoi les perles Ama? Eh ben, c'est des perles en plastique, du coup, qu'on fait chauffer au fer après pour les assembler entre elles. On fait notre motif sur une plaque avec des petits picots. Et une fois que le motif est fait, on repasse les deux côtés des perles et ça les fait fondre et du coup le motif se crée, enfin se solidifie, on va dire. Et tu fais quoi comme motif par exemple? Je fais un peu de tout. Je fais beaucoup de culture pop, donc tout ce qui est manga, des motifs de jeux vidéo aussi par exemple, ou je fais un peu ce qui me vient en tête en fait, ce que j'ai envie de faire sur le moment, je le fais et puis voilà. C'est un bijou ou... Ça peut être des bijoux, ça peut être des porte-clés, ça peut être des figurines. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec, donc c'est bien. Et tu le fais à la demande aussi, ça, ou pas? Non, je crée et je fais pas à la demande. Ce serait trop compliqué aussi. T'aurais beaucoup de choix pour les gaming, etc., surtout c'est les ça. Enfants. C'est ça. Et les porte-clés BTS, c'est quoi? Je suppose que c'est inspiré du groupe ou... C'est inspiré du groupe, oui. C'est inspiré de petits personnages qui les représentent. Et du coup, je fais en fonction de leur couleur, de leur nom, de... Enfin, je fais en fonction d'eux, en fait, de ce qu'ils leur présentent, de ce qu'ils aiment. Et comment est-ce que tu as appris à faire ça, Charlotte? À force d'en faire. Enfin, j'ai toujours été très manuelle, donc je faisais beaucoup de bricolage avec maman, du coup. Et ça m'a jamais quitté, du coup, je fais comme ça au feeling, j'apprends sur le tas en fait. On m'a pas forcément montré, pour les porte-clés tout du moins, on m'en a montré quand même des choses. Les perles lama, t'en fais depuis que... Les perles lama, j'en ai toujours fait, ouais. C'est un truc que j'ai toujours fait. Parce qu'on on a commencé quand ils étaient petits avec les toutes grosses, après avec les moyennes, et là on est au mini. Mais oui, c'est parce qu'à la base, c'est pour les enfants, les perles lama. Et oui, depuis qu'elle est petite, elle est baignée dans la création. Comment est-ce que vous faites des cartes 3D? Les cartes 3D, donc je découpe mes motifs en plusieurs fois. En fait, quand je fais une carte, 3D, je l'imprime en trois fois, le même motif. Et je découpe les éléments que j'ai envie de mettre en relief. Et du coup, je colle une petite mousse en dessous et voilà, ça fait du relief sur la carte. Et vous faites quoi comme motif? Des animaux? Oui, je fais un peu de tout. Oui, des animaux, des personnages. Là, celle que j'ai fait là, plein pot pour Noël, j'étais motivée. C'était beaucoup des paysages de Noël, des animaux aussi. Il y en a beaucoup, des ours, des cerfs, des choses comme ça. Après, je fais aussi de la broderie sur carte. Donc là, c'est pareil. C'est comme la broderie sur tissu, sauf que c'est sur le papier. Et au centre, je mets un petit sujet. Généralement, ça que j'achète tout fait, le petit sujet que je colle. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de la broderie? Donc, je choisis un motif de broderie. Généralement, c'est un peu des mandalas, des choses comme ça. Je pique mes trous et après je choisis mes couleurs, je brode. Quand j'ai fini de broder, je décore avec des perles qui se collent. Et de tous les produits que vous proposez à votre clientèle, lesquels ont plus de succès? Le savon. Le savon, ouais. Le savon, les produits de bain. On a beaucoup vendu des boules effervescentes, des choses comme ça. Les boules de bain, tout ça. Mais les savons artisanaux, ça part beaucoup, beaucoup. C'est très demandé, très recherché. Les gens aiment sentir bon. Oui, c'est ça. Nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de bulles et pierres. On vous laisse avec Phil Collins et Michael Jackson. On se retrouvera juste après sur le 107.

Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Isabelle et Charlotte. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Isabelle et Charlotte, dans quelles conditions est-ce que vous créez tout ce que vous faites ? On est dans une atmosphère musicale, on travaille en musique tout le temps. On est cool, on se fait des blagues. Enfin, on est dans la joie et la bonne humeur, c'est voilà, et la musique indispensable. Et quel genre de musique est-ce qui vous fait du bien, ou ce qui vous inspire même? Oui, alors en ce moment on est sur le canon de Fachelbel et ça nous pose, ça nous aide à nous concentrer et ça nous donne beaucoup d'inspiration. Donc c'est de la musique classique, c'est voilà, mais on passe du classique au rap, on écoute de tout en fait. On n'a pas de style défini. Vous me parliez d'ondes hors antenne par rapport à la musique, etc. Oui, bah, j'ai découvert en m'y intéressant un petit peu que justement les ondes de musique suivant leur niveau peuvent interagir sur telle ou telle partie du corps. Après, je ne saurais pas vous détailler parce que je ne me suis pas encore intéressée totalement au sujet, mais ça me plaît bien. J'adore la musique aussi, ça, c'est quelque chose qui détend et oui, qui fait qu'on pense à autre chose. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre site internet? Qui l'a créé et qui s'en occupe? Alors, le site internet, c'est moi qui l'ai créé. Alors, le nouveau, parce qu'avant, on en avait un qui ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai dit, on recommence tout. Donc, le nouveau, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. J'ai mis 3 mois, 3 gros mois pour tout... parce que je ne suis pas une pro de l'informatique, donc il fallait bien se renseigner partout et tout. Mais pour tel qu'il est aujourd'hui, 3 mois pour tout construire. Et le site, c'est moi. Après, Charlotte, je lui ai montré pour rentrer les nouveaux articles, tout ça. Donc ça, c'est fait. Après, pour la construction du site, c'est vraiment moi. Et qu'est-ce qui a changé par rapport au premier site ? Le premier site, il était triste. sincèrement, il y avait pas de couleur. Il était beige, mais tout était beige et il était pas si pratique que ça non plus. Il était pas pratique du tout. Il y avait pas. En fait, les gens atterrissaient sur la page savon et il y avait que le savon. Il y avait pas de menu déroulant pour les catégories. Il fallait vraiment avoir envie de chercher. Pour trouver, quoi. C'est que celui-là, le nouveau, vous présente, hein, il y a les slides au début qui vous présentent un peu tout, il y a le menu déroulant qui est super important. Et les gens vont beaucoup plus loin dans leur recherche qu'avant. Avant, ils tombaient sur la première page qui était moche, donc allez hop, on change. Et ils allaient voir ailleurs, quoi. C'est voilà. Ça. Je pense que l'accueil, c'est comme l'accueil d'une boutique physique. Si on n'aime pas l'aventure, on rentre pas, eh ben, le site internet, c'est pareil, en fait. Faut que ça soit attractif, ouais, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on peut acheter vos produits en ligne ? Eh ben, on va sur le site, on passe sa commande. Après, j'accepte pas mal de moyens de paiement. Hein. Il y a PayPal, il y a le versement, il y a le paiement par CB. On peut venir, on peut passer sa commande, faire le click and collect, hein, ceux qui habitent sur les alentours des lois et tout. Donc, par contre, il faut payer sur Internet. Sur Internet, sur le site, ouais. Et on vient récupérer donc à mon adresse personnelle. Qui est le siège social de l'entreprise. Il m'arrive quelquefois de faire des petits écarts où les gens viennent chercher une transe de savon et me payent en espèces. Bon, voilà, on peut aussi s'arranger. C'est voilà. Quand même très rare. Mais c'est très très rare, oui. Et c'est quoi le PayPal ? Parce qu'il y en a, ils jurent que par ça, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors le PayPal, c'est vous vous inscrivez sur PayPal, vous créez un compte qui est lié à votre compte courant. Et vous payez à travers ça. En fait, c'est PayPal qui va directement tirer sur votre compte à vous et qui sécurité. Va me verser à moi. Oui, c'est une sécurité. Et du fait que votre site est pas mal consulté, est-ce que vous avez déjà vendu des produits dans les pays francophones comme la Belgique, le oui. Luxembourg ? Oui, alors la Belgique beaucoup. À Noël, ils aiment bien les bombes de bain, les coffrets cadeaux. Belgique beaucoup. Même les États-Unis. Ah ouais? Ouais, j'ai dû envoyer un colis aux États-Unis. Voilà, oui, l'Espagne, l'Allemagne. Et vous avez des frais d'envoi quand c'est comme ça? Oui, bien sûr. Bah, tout est sur dans les conditions générales de vente, tout est expliqué. Je crois même que j'ai fait une page spéciale tarif, donc tout est expliqué. De toute façon, c'est du tarif poste, hein, Colissimo, c'est au poids. Du coup, pour ce qui est Éloi et ses environs, est-ce que vous faites aussi des livraisons à domicile ou quand c'est pas trop loin, des envois en point relais ? Oui, par relais, j'utilise. Ouais. Point relais, j'utilise beaucoup. Sinon, à domicile, j'ai dû livrer une fois. Mais bon, je peux le faire si on me demande et que c'est pas très loin. Voilà, je m'adapte. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, Isabelle ? Alors, on peut me contacter par téléphone. Donc, au 06 76 67 23 56. On peut aussi me contacter par le mail. Donc, bulletpierre, au pluriel, @laposte.net. Et on peut me contacter aussi via le site de e-commerce où il y a un espace contact. On peut me contacter comme ça aussi. On peut aussi me contacter sur Facebook et sur Instagram. C'est quoi vos futurs projets avec Bulles & Pierres, justement ? Ah, alors, les futurs projets, donc on aimerait bien avoir un petit camion. Un petit camion et faire les marchés. Les marchés d'été, les marchés du dimanche matin, enfin voilà, ce serait bien qu'on puisse se balader un petit peu dans la région. C'est le gros projet du moment, ouais. Du coup on n'en a pas d'autres pour l'instant, parce qu'on est concentré sur celui-là, ouais. Alors du coup... Ouais, c'est déjà un gros projet, si en plus il est réalisé. Oui. Déjà réalisable. Réalisable, ouais. Bah, réalisable, oui, ça, on a fait l'étude pour, donc c'est bon. Maintenant, il faut trouver les financements et tout ça. En plus, on est toutes les deux, on est rétro, on est assez rockabilly, tout ça. Donc, on aimerait bien un vieux camion. Hein, on ne veut pas le camion. voilà, on voudrait trouver un vieux camion. Voilà, le remettre au goût du jour. Rose pailletée, comme d'habitude. Voilà, c'est... Voilà ce qu'on aimerait, vraiment. Ce qu'on a en tête, c'est la boutique ambulante. Genre les anciennes épiceries ambulantes, tout ça... On aimerait bien retrouver ça, en fait. Vous verrez un peu sur les routes, comme ça. Oui. Ceux qui livrent de la nourriture, etc. Voilà, vous allez klaxonner. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comme le boucher anciennement, là. Non, mais c'était sympa. Et je pense que ça manque aussi. Enfin, moi, j'adorais. Ou le camion de glace, hein, avec sa petite musique, là. J'adorais ça, cet esprit-là. Et retrouver ça en faisant notre boutique dans un camion. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toutes les deux et à Bulles & Pierres ? Eh ben la boutique dans le camion. Non, vraiment que nos projets aboutissent et voilà, et réussissent et qu'on ait encore plein d'idées et nos quatre mains pour créer quoi. Cette émission est maintenant terminée. Charlotte et Isabelle, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ah oui, avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.